Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On reçoit Jean-Michel Pigeon du groupe Monogranade. On l'a en entrevue présentement. Allô Jean-Michel. Salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Alors, depuis justement la saveur des fruits, on vient d'entendre une pièce de ce maxi-là. Depuis ce temps-là, vous avez quand même subi quelques changements au sein du groupe. Oui. Vous avez Frédéric Beaulieu-Girard avec qui tu avais créé le groupe qui a quitté. Vous avez aussi accueilli Marianne Houle et aussi t'as quitté Winter Gloves pour pouvoir mieux te concentrer sur Monogranade. Comment est-ce que les changements ont influencé le groupe et surtout la création du nouvel album? Ben, en gros, tout fait son chemin. Là, au début, j'étais avec Winter Gloves puis je trouvais ça super cool. Je m'entends super bien avec les gars. C'est juste que il est venu un temps où les deux projets, ça prenait trop de temps. J'avais un choix à faire. Puis, c'est sûr que j'ai choisi mon projet. C'est pas que j'aimais pas ça, Winter Gloves. Je trouve ça vraiment trippant, puis j'aime beaucoup les gars. Mais bon, c'est ça, à un moment donné, il faut faire des choix. Oui, c'est sûr que d'avoir deux groupes en même temps, ça doit quand même être quelque chose à gérer quand même. Non, c'est ça. Puis surtout qu'il y avait beaucoup de tournées à Winter Gloves. J'étais souvent parti, puis c'était rendu impossible à la fin, là. C'est bon. Puis Marianne Houle, qui est arrivée dans le groupe, est-ce que ça a changé un peu la chimie dans le groupe? Ben, en fait, on l'a rencontrée sur MySpace, Marianne. OK. Puis moi, j'aime vraiment ça, les cordes. J'suis un fou des cordes, du violoncelle, tout ça. Fait que on a commencé à jammer avec elle, tout ça. Puis finalement, ça s'est vraiment fait naturellement, là, à la rentrée dans le band. Vraiment naturellement. Puis à cette heure, ben, on est rendu dans le band full-time, puis... Ça ajoute vraiment une belle touche, justement, le violoncelle. Là. J'ai vraiment bien aimé ça quand j'ai écouté l'album. Ah, ben sur l'album, il y a aussi un quatuor à cordes. Il y a plus de cordes que dans l'EP, c'est sûr. Là. Ouais, c'était excellent. Et dans le fond, le premier album complet sort la semaine prochaine, le 1er mars. Ouais. Et le titre, c'est Tantale. Vous avez entre autres comme référence le supplice de Tantale. Mais pourquoi le supplice de Tantale comme pour l'album? Ben, c'est que, en fait, c'est plus la pièce Tantale en soi. Tu sais, ça parle un peu. Tu sais, le supplice de Tantale, c'est bien mythologique, puis ça, mais tu sais, ça fait juste un peu référence à être à côté de quelque chose, puis de ne pas pouvoir l'atteindre, tu sais. C'est un peu ça, le supplice de Tantale, là, c'est que. Ça parle un peu de la gêne, en fait, qui empêche de faire les choses, tu sais. Okay. Mais c'est pas le gros concept, là, de Tantale, tu sais. C'est plus un mot qui fait référence à plein de choses, là, au niveau de la phonétique. Que du supplice de Tantale, plus au niveau du mot aussi, qui ressemble à tentacule. T'sais, on a beaucoup dans notre artwork de créatures sous-marines et tout ça. Oui, on peut le voir sur votre site et aussi sur le MySpace. On peut voir les images qui vont, je suppose, être sur la couverture de l'album. Oui. OK, puis cet album-là, vous l'avez enregistré dans un chalet et le maxi, vous avez travaillé dessus aussi dans un chalet. Est-ce que c'est important pour vous l'isolement pour vous concentrer vraiment sur la musique? Ben, tu sais, c'est vraiment une vibe différente d'un studio, tu sais. Premièrement, les studios, ça coûte vraiment cher, tu sais, fait que tu t'en tout le temps pressé dans le temps. Tandis que quand tu loues du stock, puis t'en vas pour une plus longue période dans un chalet, tu sais, puis t'as ton horaire à toi, puis tu sais ce que tu veux, c'est vraiment une autre dynamique, puis c'est vraiment plus le fun, tu sais. Surtout que pour l'album, on a eu une espèce de gros chalet avec plein de rooms différentes, puis donc une piscine intérieure qui avait un reverb naturel vraiment, vraiment cool. Oh mon Dieu, ça devait être assez le fun comme moment à passer tout en gang dans un chalet perdu. Ouais, c'est quand même trippant, ouais. Et on en a parlé tantôt des cordes. Le nouvel album touche quand même à pas mal de styles musicaux. C'est assez éclectique. Folk, rock, instrumental, un petit peu d'électro. Vous utilisez des éléments organiques et électroniques. Est-ce que vous aimez toucher un peu à tout dans les styles musicaux? Ouais, quand même. Je pense que c'est une des caractéristiques de notre band. Je pense que on se limite pas à... On n'a pas une ligne directrice, vraiment. Je pense qu'il y a quand même un son, tu sais, dans toutes nos chansons qui nous caractérisent, mais on n'a pas, tu sais, justement, on peut faire des tunes plus folk, des tunes plus ambiantes, tu sais. On se limite pas par rapport à un style, tu sais, on fait ce qui sort, puis... Ça se marie quand même bien ensemble, toutes les pièces, pour faire l'album. Ouais, je pense que, overall, il y a vraiment une ligne directrice dans ça, là. Et aussi, contrairement à la plupart des groupes, il n'y a pas qu'une voix qu'on entend sur toutes les pièces. Vous participez pas mal toutes à faire des harmonies vocales dans les pièces. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être justement de vous différencier en utilisant beaucoup d'harmonie? Ben, je pense que plus on jammait, on est un band vraiment jeune, on a à peine 2 ans. Puis c'est comme venu comme naturellement comme ça. Là, moi, ça me fait triper des harmonies de voix, des voix en cœur, fait que on exploite plus ce côté-là. C'est bon. Puis l'année passée, vous avez fini en 3e place au Francouverte. Vous avez aussi participé à M pour Montréal. C'est quand même des bonnes vitrines pour se faire connaître. Et aussi, récemment, j'ai entendu la pièce ce soir dans la publicité de la série web « Comment sauver vos week-ends ». Comment ça s'est passé pour avoir votre pièce dans cette publicité-là? En fait, c'est assez simple. C'est le producteur qui l'aimait bien gros, fait qu'il nous a contactés, puis... On nous a demandé s'ils pouvaient utiliser notre chanson, puis ça nous faisait plaisir. C'est quand même une assez grande vitrine là, pour que tout le monde qui va entendre cette pièce-là va vouloir savoir qui la joue. Depuis que ça joue, on a beaucoup de monde qui nous écrit, c'est le fun. Ouais, moi aussi, j'ai fait le son un petit peu quand je l'ai entendu. Je m'attendais pas à entendre ça à une radio un peu plus commerciale. J'ai fait le son, mais j'étais bien contente pour vous autres. Nous autres aussi, on est bien contents. En mai prochain, vous allez partir en France pour une petite tournée. Est-ce que vous avez un certain stress face à comment vous allez être reçu par le public français? Ben, pas vraiment. T'sais, c'est notre premier. C'est la première fois qu'on va en France. Fait qu'on est vraiment. On n'a pas d'attente. Puis en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui nous écrivent d'Europe et de France puis qui disent qu'ils ont vraiment hâte qu'on y aille. Puis quand on a joué à Montréal, justement, il y avait des. Même pour Montréal, il y avait des représentants français, puis il était vraiment, tu sais, il aimait vraiment ça. Fait qu'à date, c'est encourageant, t'sais, on n'est pas, on n'a rien, y a rien qui nous fait peur. C'est bon. Alors voilà, votre premier album complet de Tantal va sortir en magasin le 1er mars prochain, et le lancement, ça se passe le 3 mars à la Casa del Popolo, et c'est gratuit en plus. Il risque d'avoir pas mal de monde là-bas. Ouais, il faut quand même arriver tôt. Ouais, c'est à 18h, je crois. Salle, fait que, ouais, exact. C'est ça. Fait que, arrivez en après-midi si vous voulez avoir une place. Ben oui. Et en attendant le lancement, on peut télécharger gratuitement la pièce M'en aller sur votre site monogrenade.com. On peut aussi visionner 2 teasers, dont un que j'adore, le premier avec la pièce L'araignée. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment. C'est le deuxième, en fait. Mais ouais, il est cool. Ouais, c'est ça. C'est le premier qu'on voit sur la page, je pense. C'est le. Je sais pas, je me rappelle plus dans quel ordre ils sont. C'est Gabriel Allard qui réalisait ces teasers-là. C'était vraiment super esthétique. On voit visuellement, on voit que ça se concentre sur des détails. Fait que, surtout que moi, quand j'écoutais la musique, je me concentrais aussi sur les détails, les cordes, tout ça. Fait que j'ai bien aimé le teaser qui fitait vraiment beaucoup avec la pièce. J'ai adoré. Bon, ben, merci beaucoup. C'est bien donc, allez voir ça, tout le monde. Et pour finir, on va aller entendre une pièce du nouvel album. Alors, tu peux choisir une pièce, n'importe laquelle. Il n'y a aucune... pas de limite. OK. J'irai peut-être pour La Marge. Pour La Marge. Bon, La Marge, parfait. C'est ma 10e chanson. On va aller entendre ça, La Marge. Alors, on achète l'album le 1er mars, Tantal. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toi. Bye-bye. Bye-bye. Et de sel.